Now you're listening to 90 music. Mais on vient d'où? Hein? On vient d'en bas, nous. On vient d'en bas, nous. Banou, banou. Banou, banou. Banou, banou. On voulait toucher le ciel. On vient d'en bas, nous. Banou, banou. Banou, banou. Banou, banou. On voulait toucher le ciel. On vient d'en bas, nous. Banou, banou. Banou, banou. Banou, banou. On voulait toucher le ciel. On vient d'en bas, nous. Banou, banou. Banou, banou. Banou, banou. On voulait toucher le ciel. On vient d'en bas, nous. On vient d'en bas, nous. On voulait toucher le ciel. On vient d'en bas, nous. On voulait toucher le ciel. On vient d'en bas, nous. On voulait toucher le ciel. On vient d'en bas, nous. Yeah. On voulait toucher le ciel. On a chargé les barilés. On vient dans le club tous cagoulés. Je vais débriquer en l'air et des 9 mm. Les sections agités. Première taf, deuxième taf, c'est du sur ta qualité. Spécialistement préparé pour foutre un bordel dans ta soirée. Équipé, équipé, on est lourdement équipé. J'en place une pour tous mes chippés. Depuis Lausanne, Paris, Sydney. Raffiné pas, mais c'est bien noir. Vendé pas fiole, qui raffiné pas. J'en retourne d'autres qui rejetent des rapports. N'a rien à corps, miné, mais choupe, non. On vient dans Banou, Banou, Banou, Banou, Banou. Banou, banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou, banou, banou, banou, banou, banou, banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou, banou, banou, banou, banou, banou, banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou, banou, banou, banou, banou, banou, banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou, on vient d'en banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou. On voulait toucher le ciel. Que Milan en la coco si famous. Me stuti Melona c'est pas des vrages. Ouais ouais. Loina Milona vech l'or si factap. Ouais. T'as pas besoin de me soutenir intact. Pour corps et moi cap, juste apprécie la frappe. Je sais que tu me comprends, donc bienvenue dans le salle. On a changé les règles, Mike et Rime en rafale. Tiens nous potes niment, préxer avec du tact. Forte, action, rugen destination. Fait qu'air chapondo, le renatique et saucement. Talenti nous bléhet, femme à mes ordres nous gréhet. Coupe chill d'imine et qu'il kaboum, qu'est l'eau, j'pète vrai. On vient dans Banou, Banou, Banou, Banou, Banou. Banou, banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou, banou, banou, banou, banou, banou, banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou, banou, banou, banou, banou, banou, banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou, banou, banou, banou, banou, banou, banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou, on voulait toucher le ciel. On vient d'en banou.